La cité de Dieu de Saint-Augustin, livre 11e, Origine des deux cités. Édition Charpentier 1855, tome 2e. Traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 13. Tous les anges ont été créés dans un même état de félicité, de telle sorte que ceux qui devaient déchoir ignoraient leur chute future, et que les bons n'ont eu la préscience de leur persévérance, qu'après la chute des mauvais. Dès lors, il est aisé de voir que l'union de deux choses constitue la béatitude, objet légitime des désirs de tout être intelligent. Premièrement, jouir sans trouble du bien immuable, qui est Dieu même. Secondement, être pleinement assuré d'en jouir toujours. La foi nous apprend que les anges de lumière possèdent cette béatitude, et la raison nous fait conclure que les anges prévaricateurs ne la possédaient pas, même avant leur chute. Cependant, on ne peut leur refuser quelque félicité, je veux dire une félicité sans préscience, s'ils ont vécu quelque temps avant leur péché. Note. Cette question est traitée dans la Genèse au sens littéral, livre 11, numéro 21 à 24. Voyez aussi le de la correction et de la grâce numéro 10. Semble-t-il trop dur de penser que, parmi les anges, les uns ont été créés dès l'ignorance de leur persévérance future ou de leur chute, tandis que les autres ont su de science certaine l'éternité de leur béatitude, et veut-on que tous aient été créés dans une égale félicité, y étant demeurés jusqu'au moment quelques-uns l'ont quitté volontairement la source de leur bonheur? Mais il est certes beaucoup plus dur de croire que les bons anges soient encore, à cette heure, incertains de leur béatitude, et qu'ils ignorent sur eux-mêmes ce que nous avons pu, nous, en apprendre par le témoignage des Saintes Écritures. Car quel chrétien catholique ne sait qu'il ne se fera plus de démons d'aucun des bons anges, comme il ne se fera point de bons anges d'aucun des démons? En effet, la vérité promet dans l'Évangile aux fidèles chrétiens, qu'ils seront semblables aux anges de Dieu, Matthieu 22, 30, et elle dit en même temps qu'ils jouiront de la vie éternelle, Matthieu 25, 46. Or, si nous devons être un jour certains de ne jamais déchoir de la félicité immortelle, supposer que les anges ne le fussent pas, nous ne serions plus leurs égaux, nous serions leurs supérieurs. Mais la vérité ne trompe jamais, et puisque nous devons être leurs égaux, il s'ensuit qu'ils sont certains de l'éternité de leur bonheur. Et comme d'ailleurs les autres anges n'en pouvaient pas être certains, il faut conclure ou que la félicité n'était pas pareille, ou que, si elle l'était, les bons n'ont été assurés de leur bonheur qu'après la chute des autres. Mais, dira-t-on peut-être, est-ce que cette parole de notre Seigneur dans l'Évangile touchant le diable, qu'il était homicide dès le commencement et qu'il n'est point demeuré dans la vérité, Jean 8, 44, ne doit pas s'entendre du commencement de la création, et à ce compte, le diable n'aurait jamais été heureux avec les saints anges, parce que, dès le moment de sa création, il aurait refusé de se soumettre à son Créateur, et c'est aussi dans ce sens qu'il faudrait entendre le mot de l'apôtre Saint Jean. Le diable pèche dès le commencement, 1 Jean 3, 8, c'est-à-dire que, dès l'instant de sa création, il aurait rejeté la justice, qu'on ne peut conserver, si l'on ne soumet sa volonté à celle de Dieu. En tout cas, ce sentiment est bien éloigné de l'hérésie des manichéens et autres fléaux de la vérité, qui prétendent que le diable possède en propre une nature mauvaise qu'il a reçue d'un principe contraire à Dieu, esprits extravagants, qui ne prennent pas garde que dans cet évangile dont ils admettent l'autorité aussi bien que nous, notre Seigneur ne dit pas « Le diable a été étranger à la vérité, mais, Il n'est point demeuré dans la vérité, ce qui veut dire qu'il est déchu. Et certes, s'il y était demeuré, il en participerait encore et serait bien heureux avec les saints anges. Chapitre 14. Explication de cette parole de l'Évangile. Le diable n'est point demeuré dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Notre Seigneur semble avoir voulu répondre à cette question. Pourquoi le diable n'est-il point demeuré dans la vérité, quand il ajoute « Car la vérité n'est point en lui » Jean 8, 44. Or, elle serait en lui, s'il fût demeuré en elle. Cette parole est donc assez extraordinaire, puisqu'elle paraît dire que si le diable n'est point demeuré dans la vérité, c'est que la vérité n'est point en lui, tandis qu'au contraire, ce qui fait que la vérité n'est point en lui, c'est qu'il n'est point demeuré dans la vérité. Cette même façon de parler se retrouve aussi dans un psaume. J'ai crié, mon Dieu, dit le prophète, parce que vous m'avez exaucé, psaume 16, 7, au lieu qu'il semble qu'il devait dire, vous m'avez exaucé, mon Dieu, parce que j'ai crié. Mais il faut entendre que le prophète, après avoir dit « j'ai crié », prouve la réalité de son invocation par l'effet qu'elle a obtenu. La preuve que j'ai crié, c'est que vous m'avez exaucé. Chapitre 15. Comment il faut entendre cette parole? Le diable pêche dès le commencement. Quant à cette parole de Saint Jean, le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3, 8. Les hérétiques, les manichéens, ne comprennent pas que si le péché est naturel, il cesse d'être. Mais que peuvent-ils répondre à ce témoignage d'Isaïe qui désignant le diable sous la figure du prince de Babylone, s'écrie « Comment est tombé Lucifer, qui se levait brillant au matin ?» Isaïe 14, 12, et ce passage d'Ézéchiel, « Tu as joui des délices du paradis, orné de toutes sortes de pierres précieuses » Ézéchiel 28, 13, 14. Le diable a donc été quelque temps sans péché, et c'est ce que le prophète lui dit un peu après en termes plus formels, « Tu as marché pur de souillure en tes jours ». Ézéchiel 28, 15. Que si l'on ne peut donner un sens plus naturel à ces paroles, il faut donc entendre par celles-ci, il n'est point demeuré dans la vérité, que le diable a été dans la vérité, mais qu'il n'y est pas demeuré, et quant à cet autre, que le diable pêche dès le commencement, il ne faut pas entendre qu'il a péché dès le commencement de sa création, mais dès celui de son orgueil. De même, quand nous lisons dans Job, à propos du diable, il est le commencement de l'ouvrage de Dieu, qu'il a fait pour le livrer aux railleries de ses anges, Job 40, 14, et ce passage analogue du psaume. Ce dragon que vous avez formé pour servir de jouet, psaume 103, 28, nous ne devons pas croire que le diable ait été créé primitivement pour être moqué des anges, mais bien que leurs railleries sont la peine de son péché. Il est donc l'ouvrage du Seigneur, car il n'y a pas de nature si vile et si infime qu'on voudra, même parmi les plus petits insectes, qui ne soit l'ouvrage de celui d'où vient toute mesure, toute beauté, tout ordre. C'est-à-dire ce qui fait l'être et l'intelligibilité de toute chose. À plus forte raison est-il le principe de la créature angélique, qui surpasse par son excellence tous les autres ouvrages de Dieu. Note. La citation de Job au chapitre 40, de la Septante est le suivant, « Mais vois auprès de toi les bêtes fauves, elles se repaissent d'air comme les bœufs. La vigueur de la bête est dans ses reins, sa force dans ses entrailles, Elle dresse sa queue comme un cyprès, ses nerfs sont liés entre eux, ses côtes sont des côtes d'airain, son échine est de fer fondu. Elle est le commencement de l'œuvre du Seigneur, créée pour être raillée par les anges. Le psaume 103, 26, donne aujourd'hui, ces bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis pour qu'ils servent à tes jeux. Chapitre 16. Des degrés et des différences qui sont entre les créatures selon qu'on envisage leur utilité relative ou l'ordre absolu de la raison. Parmi les êtres que Dieu a créés, on préfère ceux qui ont la vie à ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont la puissance de la génération ou seulement l'appétit à ceux qui en sont privés. Parmi les vivants, on préfère ceux qui ont du sentiment, comme les animaux, aux plantes, qui sont insensibles, et entre les êtres doués de sentiments, les êtres intelligents, comme les hommes, à ceux qui sont dépourvus d'intelligence, comme les bêtes, et entre les êtres intelligents, les immortels, comme les anges, aux mortels, comme les hommes. Cet ordre de préférence est celui de la nature. Il en est un autre qui dépend de l'estime que chacun fait des choses, selon l'utilité qu'il en tire, par où il arrive que nous préférons quelquefois certains objets insensibles à des êtres doués de sentiments, et cela à tel point que, s'ils ne dépendaient que de nous, nous retrancherions ceux-ci de la nature, soit par ignorance du rang qu'ils y tiennent, soit par amour pour notre avantage personnel que nous mettons au-dessus de tout. Qui n'aimerait mieux, par exemple, avoir chez soi du pain que des souris, et des écus que des puces? Et il n'y a pas lieu de s'en étonner, quand on voit les hommes, dont la nature est si noble, acheter souvent plus cher un cheval ou une pierre précieuse qu'un esclave ou une servante. Ainsi les jugements de la raison sont bien différents de ceux de la nécessité ou de la volupté. La raison juge des choses en elles-mêmes et selon la vérité, au lieu que la nécessité n'en juge que selon les besoins, et la volupté selon les plaisirs. Mais la volonté et l'amour sont d'un tel prix dans les êtres raisonnables que, malgré la supériorité des anges sur les hommes, selon l'ordre de la nature, l'ordre de la justice veut que les hommes, bons soient mis au-dessus des mauvais anges. Chapitre 17. La malice n'est pas dans la nature, mais contre la nature, et elle a pour principe, non le Créateur, mais la volonté. C'est donc de la nature du diable et non de sa malice qu'il est question dans ce passage. Il est le commencement de l'ouvrage de Dieu, Job 40, 14, car la malice, qui est un vice, ne peut se rencontrer que dans une nature auparavant non viciée, et tout vice est tellement contre la nature qu'il en est par essence la corruption. Ainsi, s'éloigner de Dieu ne serait pas un vice, s'il n'était naturel d'être avec Dieu. C'est pourquoi la mauvaise volonté même est une grande preuve de la bonté de la nature. Mais comme Dieu est le Créateur parfaitement bon des natures, il est le régulateur parfaitement juste des mauvaises volontés, et il se fait bien servir d'elles, quand elles se servent mal de la bonté naturelle de ses dons. C'est ainsi qu'il a voulu que le diable, qui était bon par sa nature et qui est devenu mauvais par sa volonté, servit de jouet à ses anges, ce qui veut dire que les tentations dont le diable se sert pour nuire aux saints tournent à leur profit. En créant Satan, Dieu n'ignorait pas sa malignité future, et comme il savait d'une manière certaine le bien qu'il devait tirer de ce mal, il a dit par l'organe du psalmiste, « Ce dragon que vous avez formé pour servir de jouet à vos anges, cela signifie que tout en le créant bon, sa providence disposait déjà les moyens de se servir utilement de lui, quand il serait devenu mauvais. » Chapitre 18. De la beauté de l'univers qui, par l'art de la providence, tire une splendeur nouvelle de l'opposition des contraires. En effet, Dieu n'aurait pas créé un seul ange, que dis-je, un seul homme, dont il aurait prévu la corruption, s'il n'avait su en même temps comment il ferait tourner ce mal à l'avantage des justes et relèverait la beauté de l'univers par l'opposition des contraires, comme on embellit un poème par les antithèses. C'est, en effet, une des plus brillantes parures du discours que l'antithèse, et si ce mot n'est pas encore passé dans la langue latine, la figure elle-même, je veux dire l'opposition ou le contraste, n'en fait pas moins l'ornement de cette langue ou plutôt de toutes les langues du monde. Saint Paul s'en est servi dans ce bel endroit de la seconde épître aux Corinthiens. Nous agissons en toutes choses comme de fidèles serviteurs de Dieu, par les armes de justice pour combattre à droite et à gauche, parmi la gloire et l'infamie, parmi les calomniers et les louanges, semblables à des séducteurs et sincères, à des inconnus connus de tous, toujours prêts de subir la mort et toujours vivants, sans cesse frappés, mais non exterminés, tristes et toujours dans la joie, pauvres et enrichissant nos frères, n'ayant rien et possédant tout. 2 Corinthiens 6, 4, 7, 9 et 10. Comme l'opposition de ces contraires fait ici la beauté du langage, de même la beauté du monde résulte d'une opposition, mais l'éloquence n'est plus seulement dans les mots, elle est dans les choses. C'est ce qui est clairement exprimé dans ce passage de l'Ecclésiastique. Le bien est contraire au mal, et la mort à la vie ainsi le pécheur à l'homme, pieux, regarde toutes les œuvres du Très-Haut. Elles vont ainsi deux à deux, et l'une contraire à l'autre. Ecclésiaste 33, 1, 15. Chapitre 19. Ce qu'il faut entendre par ces paroles de l'Écriture. Dieu sépara la lumière des ténèbres. L'obscurité même de l'Écriture a cet avantage, que l'on peut d'un passage tirer divers sens, tous conformes à la vérité, tous confirmés par le témoignage de choses manifestes ou par d'autres passages très clairs, de sorte que, dans le cours d'un long travail, si on ne parvient pas à découvrir le véritable sens du texte, on a du moins l'occasion de proclamer d'autres vérités. C'est pourquoi je crois pouvoir proposer d'entendre par la création de la première lumière la création des anges, et de voir la distinction des bons et des mauvais dans ces paroles. Dieu sépara la lumière des ténèbres, et nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Genèse 1, 4 et 5. En effet, celui-là seul a pu les séparer qui a pu prévoir leur chute et connaître qu'ils demeureraient obstinés dans leur présomptueux aveuglement. Quant au jour proprement dit et à la nuit, Dieu les sépara par ces deux grands astres qui frappent nos sens. Que les astres, dit-il, soient faits dans le firmament du ciel pour luire sur la terre et séparer le jour de la nuit. Genèse 1, 14. Et un peu après, Dieu fit deux grands astres, l'un plus grand pour présider au jour, et l'autre moindre pour présider à la nuit avec les étoiles. Dieu les mit dans le firmament du ciel pour luire sur la terre, et présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière des ténèbres. Genèse 1, 16, 17 et 18. Mais cette lumière, qui est la sainte société des anges, toute éclatante des splendeurs de la vérité intelligible, et ces ténèbres qui lui sont contraires, c'est-à-dire ces esprits corrompus, ces mauvais anges éloignés par leur faute de la lumière de la justice, je répète que celui-là seul pouvait opérer leur séparation, à qui le mal à venir, mal de la volonté, non de la nature, n'a pu être, avant de se produire, douteux ou caché. Chapitre 20. Explication de ce passage. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il importe de remarquer aussi qu'après cette parole, que la lumière soit faite, et la lumière fut faite, Genèse 1:3, l'Écriture ajoute aussitôt, et Dieu vit que la lumière était bonne. Or, elle n'ajoute pas cela après que Dieu eut séparé la lumière des ténèbres et appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Pourquoi? C'est que Dieu aurait paru donner également son approbation à ces ténèbres et à cette lumière. Quant aux ténèbres matérielles, incapables par conséquent de faillir, qui, à l'aide des astres, sont séparés de cette lumière sensible qui éclaire nos yeux, l'Écriture ne rapporte le témoignage de l'approbation de Dieu qu'après la séparation accomplie, et Dieu plaça ses astres dans le firmament du ciel pour luire sur la terre, présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 17, 18. L'un et l'autre lui plut, parce que l'un et l'autre est sans péché. Mais lorsque Dieu eut dit, que la lumière soit faite, et, la lumière fut faite, et Dieu vit que la lumière était bonne. L'Écriture ajoute aussitôt, et Dieu sépara la lumière des ténèbres, et appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Elle n'ajoute pas, et Dieu vit que cela était bon, de peur que l'un et l'autre ne fût nommé bon, tandis que l'un des deux était mauvais, non par nature, mais par son propre vice. C'est pourquoi, en cet endroit, la seule lumière plut au Créateur, et quant aux ténèbres, c'est-à-dire aux mauvais anges, tout en les faisant servir à l'ordre de ses desseins, il ne devait pas les approuver. Chapitre 21. De la science éternelle et immuable de Dieu et de sa volonté, par qui toutes ses œuvres lui ont toujours plu, avant d'être créées, telles qu'il les a créées en effet. En quel sens entendre ces paroles qui sont répétées après chaque création nouvelle? Dieu vit que cela était bon, sinon comme une approbation que Dieu donne à son ouvrage fait selon les règles d'un art qui n'est autre que sa sagesse. En effet, Dieu n'apprit pas que son ouvrage était bon, après l'avoir fait, puisqu'il ne l'aurait pas fait s'il ne l'avait connu bon avant de le faire. Lors donc qu'il dit, cela était bon, il ne l'apprend pas, il l'enseigne. Platon est allé plus loin, quand il dit que Dieu fut transporté de joie après avoir achevé le monde. Certes, Platon était trop sage pour croire que la nouveauté de la création eût ajouté à la félicité divine, mais il a voulu faire entendre que l'ouvrage qui avait plu à Dieu avant que de le faire, lui avait plu aussi lorsqu'il fut fait. Ce n'est pas que la science de Dieu éprouve aucune variation et qu'il connaisse de plusieurs façons diverses ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. La connaissance qu'il a du présent, du passé et de l'avenir n'a rien de commun avec la nôtre. Prévoir, voir, revoir, pour lui c'est tout un. Il ne passe pas comme nous d'une chose à une autre en changeant de pensée, mais il contemple toute chose d'un regard immuable. Ce qui est actuellement, ce qui n'est pas encore, ce qui n'est plus, sa présence stable et éternelle embrasse tout. Et il ne voit pas autrement des yeux, autrement de l'esprit, parce qu'il n'est pas composé de corps et d'âme. Il ne voit pas aujourd'hui autrement qu'il ne faisait hier ou qu'il ne fera demain, parce que sa connaissance ne change pas, comme la nôtre, selon les différences du temps. C'est de lui qu'il est dit, qu'il ne reçoit de changement ni d'ombre par aucune révolution. Jacob 1, 17. Car il ne passe point d'une pensée à une autre, lui dont le regard incorporel embrasse tous les objets comme simultanés.

Il en est qui sont meilleures les unes que les autres, et leur existence à toutes tient essentiellement à leur inégalité. Or, Dieu n'est pas moins grand dans les petites choses que dans les grandes, car il ne faut pas mesurer les petites par leur grandeur naturelle, qui est presque nulle, mais par la sagesse de leur hauteur. C'est ainsi qu'en rasant un sourcil à un homme, on ôterait fort peu de son corps, mais on ôterait beaucoup de sa beauté, parce que la beauté du corps ne consiste pas dans la grandeur de ses membres, mais dans leur proportion. Au reste, il ne faut pas trop s'étonner de ce que ceux qui croient à l'existence d'une nature mauvaise, engendrée d'un mauvais principe, ne veulent pas reconnaître la bonté de Dieu comme la raison de la création du monde, puisqu'ils s'imaginent au contraire que Dieu n'a créé cette machine de l'univers que dans la dernière nécessité, et pour se défendre du mal qui se révoltait contre lui, qu'ainsi il a mêlé sa nature qui est bonne avec celle du mal, afin de le réprimer et de le vaincre. Qu'il a bien de la peine à la purifier et à la délivrer, parce que le mal l'a étrangement corrompu, et qu'il ne la purifie pas même tout entière, si bien que cette partie non purifiée servira de prison et de chaîne à son ennemi vaincu. Les manichéens ne donneraient pas dans de telles extravagances, s'ils étaient convaincus de ces deux vérités. L'une, que la nature de Dieu est immuable, incorruptible, inaltérable. L'autre, que l'âme qui a pu déchoir par sa volonté et ainsi être corrompue par le péché et privée de la lumière de la vérité immuable, l'âme, dis-je, n'est pas une partie de Dieu ni de même nature que la sienne, mais une créature infiniment éloignée de la perfection de son Créateur. Chapitre 23. De l'erreur reprochée à la doctrine d'Origène. Mais voici qui est beaucoup plus surprenant, c'est que des esprits persuadés comme nous qu'il n'y a qu'un seul principe de toute chose, et que toute nature qui n'est pas Dieu ne peut avoir d'autre créateur que Dieu, ne veuillent pas admettre d'un cœur simple et bon cette explication si simple et si bonne de la création, savoir qu'un Dieu bon a fait de bonnes choses, lesquelles, étant autres que Dieu, sont inférieures à Dieu, sans pouvoir provenir toutefois d'un autre principe qu'un Dieu bon. Ils prétendent que les âmes, dont ils ne font pas à la vérité les parties de Dieu, mais ces créatures, ont péché en s'éloignant de leur Créateur, qu'elles ont mérité par la suite d'être enfermées, depuis le ciel jusqu'à la terre, dans divers corps, comme dans une prison, suivant la diversité de leurs fautes, que c'est là le monde, et qu'ainsi la cause de sa création n'a pas été de faire de bonnes choses mais d'en réprimer de mauvaises. Tel est le sentiment d'Origène, le chrétien, qu'il a consigné dans son livre des principes. Je ne saurais assez m'étonner qu'un si docte personnage et si versé dans les lettres sacrées n'ait pas vu combien cette opinion est contraire à l'Écriture sainte, qui, après avoir mentionné chaque ouvrage de Dieu, ajoute « Et Dieu vit que cela était bon », et qui, après les avoir dénombrés tous, s'exprime ainsi « Et Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes, pour montrer qu'il n'y a point eu d'autre raison de créer le monde, sinon la nécessité que des choses parfaitement bonnes fussent créées par un Dieu tout bon ». De sorte que si personne n'eût péché, le monde ne serait rempli et orné que de bonne nature. Mais, de ce que le péché a été commis, il ne s'ensuit pas que tout soit plein de souillures, puisque dans le ciel le nombre des créatures angéliques qui gardent l'ordre de leur nature est le plus grand. D'ailleurs, la mauvaise volonté, pour s'être écartée de cet ordre, ne s'est pas soustraite aux lois de la justice de Dieu, qui dispose bien de toutes choses. De même qu'un tableau plaît avec ses ombres, quand elles sont bien distribuées, ainsi l'univers est beau, même avec les pécheurs, quoique ceux-ci, pris en eux-mêmes, soient lésés difformes. Note. Origène le chrétien ne doit pas être confondu avec le philosophe païen du même nom, disciple d'Ammonius Saccas. Le théologien savant et téméraire que combat saint Augustin a été condamné par l'Église. Voyez Nicéphore Calliste, Histoire ecclésiastique livre 16, chapitre 27. Fin de la note. Origène, le chrétien, devait en outre considérer que si le monde avait été créé afin que les âmes, en punition de leurs péchés, fussent enfermés dans des corps comme dans une prison, en sorte que celles qui sont moins coupables usent des corps plus légers, et les autres de plus pesants, il faudrait que les démons, qui sont les plus perverses de toutes les créatures, usent des corps terrestres plutôt que les hommes. Cependant, pour qu'il soit manifeste que ce n'est point par là qu'on doit juger du mérite des âmes, les démons des corps aériens, et l'homme, méchant, il est vrai, mais d'une malice beaucoup moins profonde, que dis-je, l'homme, avant son péché, a reçu un corps de terre. Qu'y a-t-il, au reste, de plus impertinent que de dire que, s'il n'y a qu'un soleil dans le monde, cela ne vient pas de la sagesse admirable de Dieu qu'il a voulu ainsi et pour la beauté et pour l'utilité de l'univers. Mais parce qu'il est arrivé qu'une âme a commis un péché qui méritait qu'on l'enfermât dans un tel corps? De sorte que s'il fut arrivé, non pas qu'une âme, mais que deux, dix ou cent eussent commis le même péché, il y aurait sans soleil dans le monde. Voilà une étrange chute des âmes, et ceux qui imaginent ces belles choses, sans trop savoir ce qu'ils disent, font assez voir que leurs propres âmes ont fait de lourdes chutes sur le chemin de la vérité. Maintenant, pour revenir à la triple question posée plus haut. Qui a fait le monde? Par quels moyens? Pour quelle fin? Et la triple réponse? Dieu, par son Verbe, pour le bien. On peut se demander s'il n'y a pas dans les mystiques profondeurs de ces vérités une manifestation de la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, ou bien s'il y a quelque inconvénient à interpréter ainsi l'Écriture sainte. C'est une question qui demanderait un long discours, et rien ne nous oblige à tout expliquer dans un seul livre. Mark M. Dan, archive.org 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.